Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. J'aimerais apporter mon témoignage sur la fitna actuelle, connue comme la fitna des sa'afiqa, ou également connue chez certaines personnes ayant la volonté de transformer les réalités sous le nom de la fitna d'Ibn Hadi. Tout d'abord, je souhaiterais revenir au début de cette affaire, du moins le début pour les frères francophones qui étaient loin de ces troubles que nous vivions à Médine, et si je puis dire, épargnés de cela, avant que le manque de sagesse et la précipitation de certains prêcheurs francophones ne bouleversent la da'wa salafiya francophone. Nous avons discuté une nuit après le Isha avec Ammar ainsi que deux autres frères de cette fitna, avec la volonté que nous ne nous divisions pas à cause de ces troubles. D'ailleurs, c'est pendant cette nuit que nous avons appris que le Bayan francophone a été propagé, Wallahu Musta'an. Bayan que notre grand frère Ammar a décidé de ne pas signer, malgré avoir subi des pressions. Peut-être que ce qui l'a empêché de signer est qu'il connaissait la réalité des sa'afiqa. Peut-être ne voulait-il pas être assimilé à certains de ses signataires, ou peut-être qu'il avait d'autres raisons. Dans tous les cas, il a dû se justifier de sa décision de ne pas signer auprès de Sheikh Abdallah al-Bukhari, mais ceci n'est pas le sujet. Donc, nous étions dans la voiture lorsque notre grand frère Ammar nous a informé cette même nuit que le bayan des prédicateurs francophones a été propagé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le lendemain matin, je ne vous cache pas que j'étais mécontent de la propagation de ce bayan, qui d'ailleurs n'a été signé par aucun frère francophone de Médine, qui eux, walhamdulillah, pour beaucoup, connaissaient la réalité de cette fitna, ses auteurs ainsi que ses causes. Et pour d'autres, à ce moment-là du moins, ne comprenaient pas ce qui se passait. Et pour d'autres, très peu, walhamdulillah, et pour la plupart, étudiants de Arafat, étaient trompés de la réalité de cette affaire. Mais apparemment, les signataires étaient plus au courant que les frères sur place pour prendre position dans cette affaire, signer un désaveu et une clarification, puis la propager. D'ailleurs, ceci me rappelle une chose, dans ce bayan, les auteurs ont rapporté une belle parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, qui nous explique la distinction entre la fitna dans laquelle il convient de ne pas s'immiscer, qui est celle qui est équivoque et floue, et la fitna où la vérité est apparente, là où il convient de secourir l'oppressé contre l'oppresseur. Nous comprenons de cela que pour eux, malgré que la fitna était à ses débuts, celle-ci était assez claire, au point même de signer un désaveu et une clarification, puis la propager, et Allah dit, selon la traduction approximative des sens en français, « Leur témoignage sera inscrit et ils seront interrogés ». À cette époque, j'avais contacté mon grand frère en Allah, Youssef Abou Anes, que je connaissais un petit peu et pour lequel j'avais une bonne opinion, pour lui faire part de mon étonnement d'avoir trouvé son nom parmi les signataires, et lui faire part que la fitna n'était pas aussi claire que ça, en lui apportant une parole de Sheikh Mohamed Bezmoul, hafidhahullah, qui conseillait de ne pas s'immiscer dans cette affaire et que lui-même disait de ne pas connaître la réalité de cette affaire. Je lui ai dit, un Sheikh qui est sur place, en Arabie, qui pour lui, la fitna est floue et équivoque, et pour vous, une fitna où la vérité est apparente, voulant par cela lui faire prendre conscience que la position la plus sage était de se positionner dans la fitna où il ne faut pas s'y immiscer. Bien qu'aujourd'hui, les choses soient plus claires. Il m'a répondu qu'ils étaient revenus aux savants. Il est vrai qu'ils ont eu l'aval, selon eux, de deux grands savants, qu'Allah les préserve, mais ont mis de côté le conseil d'autres chouyours qui conseillaient de ne pas s'immiscer dans cette affaire. Je lui ai donc envoyé le conseil de Sheikh Sulaiman al-Rahili, hafidhahullah, qui conseillait aux petits étudiants en sciences de ne pas s'immiscer dans cette affaire. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'ils consultent Sheikh Abdul Mohsin al-Abbad ou Sheikh Salih al-Fawzan pour leur demander leur avis, afin qu'ils sachent peut-être que d'autres savants, pas impliqués dans cette fitna, voient les choses d'une autre manière. D'ailleurs, Sheikh al-Fawzan a été questionné concernant la signature de communiqué qui a pour but de réprouver le mal. Et il a répondu. Les communiqués doivent être émis que par des voix officielles. Ils ne sont pas émis par des individus ou des groupes non officiels. Sinon, ça devient le désordre. Ceci fait partie du désordre. Les communiqués ne sont émis que par des voix spécifiques, chaque chose a ses règles, et lorsque les choses sont faites sans règles, ça ne porte pas ses fruits. Peut-être même que ses répercussions seront encore plus mauvaises pour les musulmans. Les affaires ont besoin de bases légiférées. Elles ont besoin de concertation entre les musulmans. Voici l'avis de Shir sur les bayans, émis par des individus ainsi que ses conséquences. En effet, nous avons vu apparaître durant cette fitna des dizaines de bayanettes dans différents pays, chose que nous n'avions pas connue auparavant, même contre des têtes des gens de l'innovation. Et si vous avez la patience de m'écouter jusqu'au bout, vous aurez votre petite idée de qui se cache derrière ces bayanettes, du moins celui des Français. Bayanettes, d'ailleurs, qui n'ont aucune valeur scientifique, ni méthodologique, ni aucune valeur légale, comme l'a dit Shir Jumu'a, Hafidhahullah, lorsqu'il a été questionné à ce sujet, chose confirmée par Shir Muhyiddin, Hafidhahullah, qui a dit que ceci n'est pas autorisé. Revenons au sujet. Donc je me suis rendu en cours, à l'université de Médine, en faculté de hadith, animé par ce sentiment de forte désapprobation suite à la nouvelle de la propagation de ce bayan. Dans ma classe, il y avait un frère se prénommant Abdul Halim, étudiant français chez Arafat. Je lui ai dit « T'as vu ce qu'ils ont fait? T'es au courant de la propagation du bayan ?» Il m'a répondu gêné « Oui ». Je lui ai dit « Tu sais que c'est Arafat qui est derrière ça ?» Il leur a dit « Adjilu ya ikhwa ta'akhartum » ce qui veut dire « Dépêchez-vous, oh frère, vous êtes en retard !» Subhanallah, une petite heure après seulement, je reçois le message d'un autre frère qui me dit « C'est toi qui as dit à quelqu'un que c'est Arafat qui est derrière le bayan francophone ?» Je lui ai dit « Je ne l'ai dit qu'à une seule personne, Abdel Halim, mais c'est impossible que la fuite vienne de moi et que l'information soit déjà remontée à Arafat. Je viens à peine de lui dire « Désolé, Akhi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas le dire. Je viens tout juste de le dire à Abdel Halim dans la bibliothèque. Nous avions un cours à ce moment-là de Tahrij à la bibliothèque de la faculté. Je croise alors Abdul Karim Plezel dans la faculté. Puis nous entamons une discussion à ce sujet. Dans la conversation, il me dit « Qui est-ce qui t'a dit que c'est Cheikh Arafat qui est derrière le bayan des Français ?» Moi, comprenant l'erreur que j'avais faite et qu'Abdul Halim s'était empressé de rapporter la nouvelle à Plezel, qui lui-même s'empressa de la rapporter à son Cheikh Arafat, je lui ai dit « Laisse tomber, je ne préfère pas le dire » et il m'a dit, et là il me dit « C'est moi qui est derrière le bayan » et là Abdul Karim Plezel me dit « C'est moi qui est derrière le bayan » c'est moi-même qui ai fait rentrer Arafat dans le groupe après que Souleyman El Haïti ou Abu Layth, j'ai un doute de ma part, moi Youssouf, j'ai un doute, après que Souleyman El Haïti ou Abu Layth me l'ait suggéré. Abdelkarim dit, je lui ai dit, tiens, bonne idée. Puis j'ai fait rentrer Cheikh Arafat dans le groupe. Peu après, Arafat, ayant soupçonné Ammar d'être celui qui avait propagé des informations, lui envoya un message en lui disant, Men afsha sirrana. Arafat envoie un message à Ammar en lui disant, Men afsha sirrana. Qui a propagé notre secret? Subhanallah. Qui a propagé notre secret? La clarté ne fait-elle pas partie du manhaj salafi? Pourquoi s'efforce-t-il autant à ce que les choses soient secrètes? D'ailleurs, ceci ne vous rappelle rien? Les assises secrètes organisées par Abdel Wahid al-Matrali qui ont dévoilé la réalité des sa'afiqa auprès des gens doués de raison. D'ailleurs, Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid sont innocents de ces assises et ceci est la bonne pensée que nous avons de nos savants. Hafidhahumullah. Sachez qu'Abdel Wahid al-Matrali est une personne dont Cheikh Rabia, qu'Allah le préserve, estime, pense du bien et recommande. Il s'occupait même de l'organisation des visites à sa maison, avant qu'il ne soit mis en prison. D'ailleurs, celui qui voulait un rendez-vous avec Cheikh Rabia, hafidhahullah, devait passer par lui. Information importante afin que vous sachiez qui font partie des intermédiaires du Cheikh et ainsi comprendre les causes de la dissension survenue entre nos savants bien-aimés. Donc, selon la parole d'Abdul Karim Plezel, ce personnage plein d'audace, ne respectant pas les savants, dont les publications témoignent de ses caractéristiques, avoue être le commanditaire du bayan et avoir fait rentrer Arafat dans ce groupe. L'audace de l'opportuniste Abdulkarim Plaisel n'est pas étonnante lorsqu'elle émane d'une personne faisant partie des rapprochés de Arafat, de ses élèves particuliers, préférant assister aux cours de Arafat et ceux de Bandar el-Khaybari à ceux de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad et de Cheikh Sulayman al-Ruhayli. Mais son audace a ses limites. Il n'a pas osé refuser la main tendue du fasir de Médine, comme il le nomme, lorsque celui-ci a serré la main à un professeur dans l'ascenseur de la faculté de Hadith, puis juste après, celle d'Abdelkarim Plaisel. Comme je l'ai moi-même vu la journée du 25 février 2019. Environ 2 mois après qu'Abdelkarim Plaisel l'ait déjà qualifié de pervers dans un tweet datant du 28 décembre 2018. Où était ton audace? Où était ton audace à ce moment-là? Oui, mes chers frères, Abdelkarim Plaisel prétend être avec les grands savants, mais ici à Médine, ses chouyours sont Arafat et Bandar, et non pas Cheikh Rabi'a et Cheikh Obeid, Hafidahum Allah, qui n'enseignent pas depuis un long moment. Qu'Allah fasse que nous puissions profiter de leur science. Il n'étudie pas non plus chez Cheikh Abdul Mursin, ni son fils, ni Cheikh Ali Nasser al-Faqihi, ni chez Cheikh Sulayman al-Ruhayli, mais plutôt chez Arafat et Bandar. Le choix est pour lui peut-être difficile à faire entre Cheikh Abdul Mursin après le Maghreb, expliquant Sahih al-Bukhari dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment-là, ceux de Arafat dans un appartement. Oui, car Arafat, leur mufti, n'a pas l'autorisation en Arabie d'enseigner dans les mosquées. Ou peut-être tout aussi difficile à choisir, Cheikh Sulayman après le Asr dans la mosquée prophétique et ceux d'un étudiant en sciences, Bandar el-Khaybari. Étonnant pour des gens prétendant être avec des kibars. Étonnant pour des gens prétendant être avec les kibars. D'ailleurs, beaucoup parmi les étudiants français de Arafat n'assistent pas au cours de Cheikh Abdelrazzaq et de Cheikh Sulayman, Hafidahumullah, et ceci est une chose ici qui est bien connue. Lorsque Cheikh Muhyiddin a été questionné sur Abdelkarim Plaisel, lorsqu'il a décrit Cheikh Mohammed ibn Hadi, Hafidahullah, comme étant un pervers, et Cheikh Lazhar, Hafidahullah, comme étant le menteur d'Algérie, il a répondu « Conseillez-lui de craindre Allah et de se remettre en question. Sinon, le Seigneur exalté soit-il le châtiera. » Donc le conseil de Cheikh Muhyiddin pour Abdelkarim Plaisel, il dit « Conseillez-lui de craindre Allah et de se remettre en question, sinon le Seigneur exalté soit-il le châtiera. » Ô vous qui avez prétendu dans le Bayan, vous désavouez de tous ceux qui cherchent la division des rangs salafis, ainsi que tous ceux qui propagent ces troubles parmi eux. N'êtes-vous pas en train de participer vous-même à la propagation de ces troubles? Où est le désaveu des agissements d'Abdelkarim Plaisel et d'autres prédicateurs acharnés dans cette fitna? Ô vous les signataires de ce Bayan commandité par Plaisel et sous l'œil attentif de Arafat, êtes-vous d'accord avec les agissements de certains de vos co-signataires? Ô vous qui avez été pris d'une soudaine jalousie pour défendre les gens opprimés, où êtes-vous pour la défense des savants de la Sunna? Leur honneur n'est-il pas plus en droit d'être défendu? Ne vous est-il pas parvenu toutes ces paroles propagées par les Sarafiqa, mettant en garde contre les chouyours salafis d'Arabie, d'Égypte, du Koweït ou ailleurs? Où est votre défense des opprimés? Ne voyez-vous pas que Arafat et ses sbires sont venus avec la dissension entre les savants, tout comme Abdelkarim Plaisel, le bras droit de Arafat, de la branche française, et d'autres viennent avec la dissension dans la da'wa salafia francophone. Avez-vous remarqué l'entente qu'il y avait entre les savants avant que les Sa'afiqa se mettent entre eux? Voulez-vous la même chose pour vous en France? Je vous enjoins, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelle, ainsi qu'à moi-même, que nous serons interrogés sur ce que nous disons, écrivons et publions, et que le fait de revenir à la vérité est meilleur que de persister dans le faux. Je t'enjoins, Abdelkarim, si mes propos te parviennent, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans tes publications, comme te l'a enjoint le noble Cheikh Muhyiddin, hafidahullah, et de faire preuve de pudeur à l'égard des savants de la Sunna. L'imam Zahabi a dit, rahimahullah, conformément aux lois établies par Allah concernant celui qui traite les savants avec dédain, et qu'il demeurera méprisable. Voici le témoignage de votre frère, Youssouf Abou Sunaya, à Médine. J'espère qu'il permettra d'éclaircir certaines choses. Wallahu ala ma aqulu shahid wa kafa billahi shahida. Et ma réussite ne dépend que de lui, subhanahu wa ta'ala. En lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant.